Sous l'étude des chênes, cocons, nuages, lames, caresses de tronc, palpes, pulse, cerveau sève, sérénité oscillante, le froncement de sourcils des arachnides, humus, respiration, zen, berceuse, végétale, temps devenu, axe, oh syntaxe, déverser leur nom. Il était laminé au pli de la manie, il était laminé au pli de la manie, en danse, en spirale, dans sa cabane bleue, laminé au pli de sa manie, du haut de sa colline, il tournoyait en contemplant le vol des oiseaux migrateurs. La danse sans tête révèle l'histoire déjà vue. Déjà vue cette danse folle sur la piste des ancêtres. Il toise les traces de pas sur la piste, sur le cercle. L'ombre des empreintes est si familière, aiguisée par ses coutumes. Il suit le cercle, la piste, puis récite les formules de sa manie, de sa magie. Délite le pénible, recycle la douleur sentinelle, raffine l'étonnement des toujours débuts. Si au siège de l'effort, quelques nouveaux mois font leurs armes, accueille-les avec bienveillance. La blanche évidence, toute minimale, laisse couler la mémoire à son bon vouloir. Badine, elle viendra se poser sur ta branche, au cependant, bon moment. Quand ton souvenir, un claquement de doigts enflamme l'instant, mijote tendrement. Sentence suivie, un tour de clé épars, l'antichambre salutaire. Trans parent, Freud ou la commère en pleine lumière, l'intime en quête de tanière. Nomade, nomade et nomade, à ne plus savoir le dire, la terre est devenue une frontière. Percuter, espérer percer, finalement, absorber le voyage, puis sobre et propre, planer les dérives. L'amour, altitude, couvre-ciel, contrée azurée, étendre et bleuir, vert partout, pas de limite, le lointain s'imagine, voix elfique, confuse, étendue, la ligne est dissoute, âme panoramique, révolution, ok, ok. Oh, chère Saint-Denis. Égo-citoyen en chasse, chasse ciment. Voiture qui chasse, chasse entretien. Développement durable parti à la chasse. Chasse à bois. Bâtisse de la chasse, chasse décoration. Automate par chasse, chasse noir. Propriété par chasse, chasse tribu. Chef de chasse, chasse l'électorat. Peinture sur chasse, chasse privée. Civilisation en chasse, chasse camp, chasse roi. Deux fois né, au nom de la joie, se prophétisent les retours des fois. L'été, souvent, les gens qui brillent, lorsqu'on les croise ou qu'on les regarde. Symphonie des sens à la clarté teintante, brise furieuse embrassant les éléments. Chaque parcelle fondue vers l'infini, en béance confiante, en entrebâillement sauvage. Défoigné à l'orbe de la patience, ce souffle prédit l'éclosion des paupières. Il sera tout de suite aussi sage que pur par son cortège de minutes inaperçues. Jouissance juteuse des émergences immédiates, étincelle glaubante et galopante sur les amis, félicité ainsi invoquée, bien entendu, sait que les cycles n'ont plus à faire leur preuve. Le mythe de ma mort, j'ai été eau toute première, j'ai été le balai des poissons, j'ai été un lézard avec sein, j'ai été ce fruit à la chair omise, j'ai été des combats, les lettres du monde, j'ai été l'objet par tous convoités, j'ai été la maladie, berger du troupeau. J'ai été ces surprises qui chassent la solitude. J'ai été les outils grandissant la main à l'esprit. J'ai été la parole aussi rapide que l'éclair. J'ai été ce chiffre effrayant sur la course des astres. J'ai été un matin étonné dans le château en spirale. Qui, si ce n'est vous, peut prétendre que je suis mort ? Fils des temps rapides au savoir là-bas, la guerre à poursuivre est au fond de soi. Pistez la paix au pas de vos paliers et l'exotisme de vos messages se rêvera comme là-bas. Recette à tradition martiale, épouse de la vengeance engagée, fils de la vitesse temporelle avec ses secrets là-bas. Les colons de l'esprit ont envahi votre langage, libéré l'identité des passages, des lucernes, la farfale mystique de là-bas. Coucou tempête, alerte violette, pénétration, vos luttes vues vite, rudes, rouges, dédiées à la hache, en vent, pendant, toc toc de la pluie, vol, nuage, chute au ciel, l'air feuille, dehors quelqu'un, il se tonne. Comme ma mort, certitude des certitudes, frisson de la flaque d'eau froissée par le vent, présence vide au sein de ce qui se dit moi, appréhension déviante, masse maudite mes mamelles, mimétisme inné, forme informe, entre les personnes, avec la caresse des ombres, je t'aime au son du soleil, sur la promesse des rues. Symphonie sur soi, les pluies cèdent sous éclat, chercher la chaîne d'Ognios, Oméga session sonore. Au nord se partage magnétique, magma d'air céleste, au terrier du hurlement cerné, acculé à coups de cœur, corne ses souvenirs infranchissables, à la saison noire, à les voir, vous recroît, vous crépite la clarté liquide des éclairs. Ces fois où la lueur farfade multicore des doigts sibyllins, sur fer des vies, l'idée de l'outre rieuse dans les soies de l'eau, pour complicité de l'itinérie, sylve soucieuse de sourire, de quoi marrer les chutenés, cascade aurorale au défilé des teintes, la monstrueuse parade esquive les boules déserts. Maldite, la phase, la phrase, cherche sa conjuration, sa purification, en étayant ses sens privatifs. L'iris neuf embrasse la fortune et accompagne avec miséricorde les genèses. Jouit l'origine, l'or orageux, la rage juste, dont les babilles bâtissent bruyamment des cloîtres à désamorcer, sans désir. La paix, concrétion des coups, recoudre les chevaux, chevaucher la vaille, se passe dans le duel des oreilles, sans témoin de bouche. Il était en train de traire la lapine durant une série d'appels téléphoniques. Des choses ont été prononcées. À la porte, la pénombre attend quelqu'un. La clé rose est sous la litière. Il savait qu'il devait couper les dents de ce rongeur à la disqueuse. Derrière le mur, un visage prédit. Pendant la traite de la lapine, la veille à la cervelle au vent lui annonça des malheurs à venir. Le clapier est ouvert. À titre de remerciement, baiser le rideau visionnaire du rouge-gorge après son agonie orgasmique. Deux statères pour le passage, trier l'écoulement en segments, d'où la contenance du clash saisissant. Se conformer à la stricte observation de la pauvreté, de l'obéissance et du célibat, gage certain de liberté autorisée, de gratitude servile et de gravité mesurée, tout en priant pour ce messager des dieux, richement exécuté par la terre. Saint-Onis, je t'encule comme j'encule ma mère, la nature, cette phrase semble fortement vous intéresser, l'essentiel ne réside pas dans la repentance de la lumière fouettante du spectacle, charogne, industrie de la charogne, chère à mémoire d'homme, charogne, donc sodomisée et casée aux quatre coins du monde, mannequin du grand crash test comique, de temps moderne, évidemment apocalyptique, et oui, l'on dit cette affaire, j'encule ma mère, vos mères au passage, alors que je n'ai pas encore bien digéré mon père. Thank you.